Jean Lorrain, Monsieur de Phocas. Troisième partie. L'effroi du masque. Chapitre 7. Avril 98. Des masques. J'en vois partout. La chose affreuse de l'autre nuit, la ville déserte avec tous ses cadavres masqués au seuil des portes, ce cauchemar de morphine et d'éther s'est installé en moi. Je vois des masques dans la rue, j'en vois sur la scène au théâtre, j'en retrouve dans les loges. Il y en a au balcon, il y en a à l'orchestre, partout des masques autour de moi. Les ouvreuses qui me rendent mon par-dessus ont des masques se pressent sur le péristyle à la sortie, et le cocher du fiacre, qui me ramène ce soir à la même grimace de carton figé sur son visage. C'est une chose vraiment par trop effroyable que de se sentir seul à la merci de toutes ces faces d'énigmes et de mensonges, seul au milieu de tous ces ricanements et de ces menaces immobilisées dans les masques. J'ai beau me persuader que je rêve et que je suis le jouet d'une vision, tous ces visages de femmes fardés et peints, toutes ces bouches au minium et ces paupières soulignées de col, tout cela a créé autour de moi une atmosphère de transe et d'agonie. Le maquillage, c'est là devient mon mal. Heureux suis-je maintenant quand ce ne sont que des masques. Parfois, je devine le cadavre dessous, et ce sont souvent plus que des masques, puisque ce sont des spectres que je vois. L'autre soir, dans cette espèce de café-concert de la rue Fontaine, où j'étais venu m'échouer avec Tramsel et deux jokers, cette soi-disant chanteuse mondaine pour laquelle il m'avait conduit, là, comment n'ont-ils pas vu que c'était une morte? Oui, une morte, sous la somptueuse et lourde sortie de bal qui la gainait et la tenait toute droite, comme au fond d'une guérite de velours rose, rebrodée et passementée d'or. Un vrai cercueil de reine d'Espagne. Mais eux, amusés de sa voix blanche et de sa maigreur, la trouvaient falote et tout au plus drôle. Drôle, cette épithète veule, inconsistante et molle qu'ils appliquent à tout maintenant. La femme avait en effet une toute petite tête amenuisée, d'une joliesse macabre dans l'amoncellement de fourrure de son manteau de théâtre. Et il la détaillait, intéressé surtout au roman qu'on prête à cette femme, une petite bourgeoise lancée dans la haute noce à la suite d'une toccade pour je ne sais quel cabot. Et aucun d'eux n'a vu, et personne non plus, d'ailleurs, dans cette salle, la chose qu'ont saisi mes yeux tout d'abord, posée à plat sur le satin blanc de la robe, les deux mains de cette chanteuse, deux mains de squelette, deux jeux d'osselets gantés de suède blanc, les mains impressionnantes d'un Albert Durer, 10 doigts de morte mal emmanchés au bout de 2 trop longs et trop grêles bras de mannequin. Et pendant que cette salle convulsionnée de rire et trépidante de joie faisait de ses lazis et de ses cris d'animaux une ovation douloureuse à cette femme, l'impression s'affirmait en moi que ses mains n'étaient pas plus celles de son corps, que ce corps aux épaules trop hautes n'était celui de sa tête. C'était une affre et un malaise que la conviction établit en moi que je n'écoutais pas chanter une femme vivante, mais un automate aux pièces disparates et montées de briques et de brocs. Peut-être pire encore, une morte hâtivement reconstituée avec des déchets d'hôpital, quelques macabres fantaisies d'internes imaginées sur les bancs de l'amphithéâtre. Et cette soirée commençait comme un conte d'Hoffmann, s'achevait en vision d'hôpital. Oh, cette Olympiade beuglante! comme elle a précipité la marche de mon mal. Mai 1898. Ô frère triste Lys, je languis de beauté pour m'être désiré dans votre nudité. Et vers vous, nymphe, nymphe de ces fontaines, je viens au pur silence offrir mes larmes vaines. Les hymnes du soleil s'en vont. C'est le soir, j'entends les herbes d'or grandir dans l'ombre sainte, et la lune perfide élève son miroir. Si la fontaine claire est par la nuit éteinte, assis dans ses roseaux harmonieux jetés, je languis. Ô saphir, par ma triste beauté, saphir antique et source magicienne, où j'oubliais le rire de l'heure ancienne, que je déplore ton éclat fatal et pur. Autrefois, aux heures mauvaises, je n'avais qu'à ouvrir mes écrins et appuyer mes tempes à l'eau froide des gemmes pour les rafraîchir. Le sombre azur des saphirs surtout me calmait. Le saphir, la pierre de la solitude et du célibat, le saphir, le regard de Narcisse. Franz Ebner, le joaillier de Munich, m'en a rapporté de si beaux, des saphirs de l'Inde, d'une eau profonde et claire, où les nuits transparentes de Ceylan sont comme demeurées, des saphirs nocturnes où naguère je noyais toujours ma fièvre, quand j'y caressais, et mes yeux, et mes doigts. Et les beaux vers de Paul Valéry, quel calme leur mélancolie nostalgique et sublime apportait en moi. À mon horrible mal, il substituait ces vers, la brûlure de Narcisse, et cette brûlure était encore de la fraîcheur auprès de l'âme de soufre et de phosphore qu'ont allumé en mon être les yeux dolents de l'Antinous. Mais saphir ne m'apaise plus depuis que je suis hanté par les masques. 1er juin 1898. Est-ce pour s'être trop complu dans l'eau froide des joyaux que mes prunelles ont pris cette clairvoyance atroce? La vérité est que je souffre et meurs de ce que ne voient pas les autres, et de ce que, moi, je vois. Mon hallucination n'est qu'un sens de plus. C'est l'innommable de l'âme humaine remontée à fleur de peau, qui prête à tous ses visages des apparences de masques. J'ai toujours souffert, comme d'une tare, de la laideur des gens rencontrés dans les rues, des petites gens surtout, ouvriers, se rendant à leur travail, petits employés à leur bureau, ménagères et domestiques, laideur d'un comique attristant et morne, encore aggravée par les vulgarités de la vie moderne et ses promiscuités dégradantes. Oh, sous une pluie de novembre, l'intérieur d'un bureau d'omnibus, les laideurs de la rue parisienne, la pauvreté de certaines nuques aux cheveux rares, la face chafouine de certaines bonnes en course, la chlorose éreintée et vicieuse de leurs lèvres trop pâles et les yeux obliques, toujours chavirés sous les paupières bourgeonnantes de certains suiveurs de femmes. Ah, les laideurs de la rue parisienne! Avec les premiers froids, il y en a qui deviennent terribles. Mais celles-là, du moins, je me les expliquais. Ces pauvres faces déprimées de vieux artisans et de petits bourgeois portaient le souci quotidien des basses besognes, le poids des préoccupations mesquines, l'inquiétude des échéances et la terreur des fins de mois, la lassitude de tous ces sans-le-sou, aux prises avec la vie, une vie rance et sans imprévu. Toute la tristesse même d'exister sans une pensée un peu haute, sous le crâne, leur avait fait ces laideurs mornes et plates. Le moyen de trouver un regard dans tous ces yeux fixés d'hébétude ou durcis par la haine, dans tous ces yeux de pauvres, erres, vitreux ou criminels. Naturellement, la pensée, quand il y en a une en eux, ne peut être qu'ignoble ou sordide. On n'y voit luire que des éclairs de lucre et de vol. La luxure, quand elle y passe, est vénale et spoliatrice. Chacun dans son fort intérieur ne songe qu'aux moyens de piller et de duper autrui. La vie moderne, luxueuse, impitoyable et sceptique, a fait à ces hommes comme à ces femmes des âmes de garde-chiourme ou de bandits. Telles aplaties et venimeuses de vipères, museaux retors et aiguisés de rongeurs, mâchoires de requins et groins de pourceaux, ce sont l'envie, le désespoir et la haine, et c'est aussi l'égoïsme, et c'est aussi l'avarice qui font de l'humanité un bestiaire où chaque bas instinct s'imprime en traits d'animal. Mais ces masques ignobles, dire que je les ai longtemps crus l'apanage des classes pauvres, aux préjugés des races, des classes pauvres. Quel blasphème! Je n'avais pas regardé les miens. 10 juin 1898. Une joie dans mon enfer, une consolation dans les ténèbres hantées où je me débats, si toutefois c'est une consolation de ne plus s'y débattre seul. Un autre homme a la même obsession que moi. Un autre homme a la hantise des masques, un autre homme les redoute et les voit. Et cet homme est un grand peintre. Un artiste anglais connu de toute l'Europe. Une des gloires de Londres. Claudius Étal, le fameux Étal, qu'un procès retentissant avec Lord Kennerby vient d'éloigner d'Angleterre et d'amener à se fixer à Paris. Lord Étal voit aussi des masques. Mieux, il dégage immédiatement le masque de tout visage humain. La ressemblance avec un animal est le premier caractère qui le frappe dans chaque être rencontré. Et de cette effroyable clairvoyance, il souffre avec une telle acuité qu'il a dû renoncer à son métier. Lui, le grand peintre de portraits, il ne fera plus désormais que des paysages. Lui, Claudius Étal, l'auteur de La jeune fille à la rose et de La dame en vert. Par quel secret pressentiment ce visionnaire a-t-il été averti de mon mal? Est-ce d'instinct ou sur des renseignements? Documenté par des indiscrétions d'amis, qu'il est venu à moi brusquement dans ce salon avant-hier et avec une familiarité que n'autorisait pas la banale présentation d'avant le dîner. Pourquoi m'a-t-il dit, de cette voix basse et lointaine, une voix toute changée, qui n'était plus celle qu'il avait à table? Pourquoi m'a-t-il dit avec cet air de complicité, de mystère, « Ne trouvez-vous pas, monsieur le duc, que la marquise de Sarlèze ressemble étrangement à une cigogne ce soir ?» C'était fou, et c'était vrai. Avec son long cou granulé, sa face étroite, ses yeux ronds aux paupières membraneuses, avec son grand nez effilé surtout, effilé comme un bec, et l'artifice évident des faux cheveux adhérant mal au crâne. La marquise de Sarlèze était, ce soir-là, une effarante cigogne de cauchemar. La ressemblance m'a paru tout à coup criante, et je sentais ma raison sombrer dans de l'inconnu. Car dans la buée lumineuse des lustres, le long des hautes fenêtres, longs, drapé de satin vert pâle, et dans l'embrasure des portes, les salons de l'hôtel de Sarlèze venaient de se peupler de masques. C'est cet Anglais qui les évoquait et les imposait à ma vision. La femme au piano qui chantait, à moitié nue, comme entraînée en avant par le poids de sa gorge, avait le profil d'une brebis bêlante. Le blond de ses cheveux avait jusqu'à l'aspect terne et laineux d'une toison. De Tramsel dégageait un museau de renard. Miro, le romancier, une gueule de hyène. Dans le groupe des femmes assises, toutes les fleurs du faubourg en corbeille pourtant, c'était de lourdes faces bovines, des prunelles aqueuses, de vaches ruminantes, à côté de fronts fuyants de carnassiers et d'yeux ronds d'oiseaux de proie. Ce terrible Anglais me nommait toutes les ressemblances. Debout près du Pleyel, la dame à la face moutonnière, la comtesse de Barville, continuait à bêler du chaminade. Un pianiste, un professionnel, aux yeux saillants de batracien, dans une pauvre petite figure écrasée et stupide, l'accompagnait en saccade avec des gestes hâtifs. Claudius Étal, penché à mon oreille, continuait sa nomenclature de monstre. L'enfilade des salons de l'hôtel de Sarlèze, leur long parallélogramme d'anciennes boiseries à peine rehaussées d'or. Ce diabolique anglais les avait peuplés littéralement de spectres, et comme dans un envoûtement, l'atmosphère toute grouillante de larves, telle une goutte d'eau vue au microscope, laissait transparaître, avec les âmes, les épouvantables faces des instincts et des pensées ignobles. Autour de nous grimaçaient, tournoyaient des bouches d'ombre. Le cauchemar prit fin lorsque l'anglais se tut. Le guérisseur. Juin 98. Quel homme est-ce que cet Étal? Un sincère, un prodigieux artiste ou un mystificateur? Je sors de son atelier, bouleversé, intrigué et pourtant sous le charme. Un instant, je me suis cru guéri. Eh bien non, puisque je suis aussi inquiet qu'avant, mais d'une autre inquiétude, moins anxieux sur mon cas, mais si troublé par l'homme. Quel merveilleux improvisateur, quel éveilleur d'idées neuves, étranges, et qui néanmoins semble vrai. Ce Claudius Étal m'a ensorcelé. Je n'ai rien vu dans son atelier. Pas un crayon, pas un croquis, pas un bout de toile. Et quel singulier atelier pour un sensuel et somptueux artiste comme lui. Quatre murailles nues éclairées par le jour froid d'un grand châssis. Une vue de toit, et quel toit! Le Panthéon et les tours de Saint-Sulpice, car cet Anglais a trouvé le moyen d'aller se loger de l'autre côté de l'eau, au bout du monde, derrière le Luxembourg. Dans ce vaste hall, au plafond si haut qu'il en paraît reculer dans l'ombre, pas un bibelot, pas une tache claire d'ancienne étoffe ou de dorure de cadre. Le dénuement d'un atelier de peintre, de décor. Un luxe cependant dans cette austérité. Les moires d'un parquet ciré et frotté à s'y regarder. Un parquet luisant comme une glace. Et dans un angle, le haut miroir d'une psyché, empire entre deux montants d'acajou, surchargé de masques. Des masques de deux bureaux, face pâle de Pierrot ou narines pincées, au sourire mince, masques japonais, les uns de bronze, les autres de bois laqué. Masques de la comédie italienne, ceux de la soie et de cire peinte. Quelques-uns même de gaze noire tendus sur des fils de laiton. Des masques de Venise énigmatiques et légèrement horribles comme ceux des personnages de Longhi. C'était toute une guirlande grimaçante posée autour de l'eau dormante du miroir. J'étais venu voir le peintre et sa peinture et je tombais sur une collection de masques. J'eus un moment de quasi-effroi. « Je les ai sortis pour vous, » faisait Claudius Étal avec un geste gracieux de maître de danse. « J'en ai une collection assez complète. Les masques de deux bureaux deviennent assez rares. Puis j'en ai quelques curieux de Venise. Ceux-là sont introuvables aujourd'hui. Je ne vous parle pas des Japonais. Le Yedo est maintenant à Londres et avenue de l'Opéra. » Comme je demeurais sur mes gardes, ne craignez donc rien, la seule chance de guérison que vous ayez de cette obsession des masques, c'est de vous familiariser avec eux et d'en voir quotidiennement. Contemplez-les longuement, maniez-les même, et pénétrez-vous de leur horrifiante et géniale laideur. Car il y en a qui sont œuvres de grands artistes. Leur laideur rêvée atteigneront en vous la pénible impression de la laideur humaine. La guérison par les semblables, C'est de l'homéopathie, en somme. Je connais votre cas, c'est le mien. Je ne me suis pas exilé de Londres pour un autre motif. L'atmosphère fuligineuse et le brouillard de la Tamise y développent d'une façon par trop affreuse les côtés de spectres et de poupées, des êtres. Je respire tellement mieux depuis que je vis avec ces masques. Aussi, je les ai tous sortis pour vous. Et, s'effaçant avec une grâce falote de danseur, étale, me découvrait un somno d'acajou, du même style que sa psyché. Tout un monceau de masques en encombrait les coussins. Je dois l'avouer, il y en avait de charmants et de terribles. Les masques japonais, surtout, ravissaient le peintre. Masques de guerrier, masques de comédien et masques de courtisane. Les infroyables, crispés et convulsés. Le bronze des joues, creusé, de mille rides avec du vermillon larmant au coin des yeux et de longues traînées vertes au coin des bouches, telles des bavures de fiel. L'anglais en caressait les longues chevelures noires, rapportées. « Ce sont des masques de démons, » disait-il. Les samouraïs les portaient à la guerre pour terroriser l'ennemi. Celui-là, couvert d'écailles vertes, avec entre les narines de pendeloques d'opale, c'est un masque de génie marin. Celui-ci, avec ses touffes de poils blancs, en guise de sourcils et les deux mêmes pinceaux de crin au bord des lèvres, c'est un masque de vieillard. Ces autres-là, d'un blanc de porcelaine, d'une matière unie et fine, comme une joue de mousmée, et si douce au toucher, des masques de courtisanes. Voyez, ils se ressemblent tous avec leurs narines délicates, leurs faces rondes et leurs lourdes paupières bridées. Ils sont tous à l'effigie de la déesse. Les perruques sont-elles d'un assez beau noir? Ceux-là qui pouffent de rire dans leur immobilité. Des masques des comédiens. Ce diable d'homme citait les noms de démons, des dieux et des déesses. Son érudition enchantait. Bah, j'ai si longtemps habité là-bas. Il maniait maintenant les légers édifices de gaz et de soie peintre des jolis masques vénitiens. Voici un coco de déia, un capitaine Fracasso, un pantalon et un matamor. Les nez seuls diffèrent et l'ébouriffement des moustaches si vous y regardez de près. C'est un masque de soie blanche avec d'énormes besicles. Dégage-t-il un effroi assez comique? C'est un docteur Kourou-Koukou, un vrai fantoche de comte d'Hoffmann. Quant à celui-ci, tout en crin noir, avec ce long nez en spatule, l'air d'un bec de cigogne se terminant en cuillère, pouvez-vous imaginer quelque chose de plus épouvantable? C'est un masque de duègne. Une amoureuse était bien gardée quand elle courait la ville, flanquée d'une matrulle, ornée d'un appendice pareil. C'est tout le carnaval de Venise qui défile en parade devant nous sous le camail et le domino, embusqué derrière ses masques et pompes. Voulez-vous une gondole? Où allons-nous? À San Marco ou au Lido? Et il riait. Sa verve m'étourdissait. Je riais comme lui, charmé par sa faconde, ébloui par le scintillement de tant de souvenirs. Et je ne voyais plus, dans les trous d'yeux de tous ces masques, les affreuses lueurs de soufre qui, jadis, y pâlissaient pour moi. « C'est assez pour aujourd'hui, » déclara-t-il, après une heure et demie de divagation. « Il faudra revenir le plus souvent possible. Votre cas est si intéressant. Quand vous serez plus aguerri, nous feuilleterons ensemble les albums des grands déformateurs, les Rolandson, les Hogarth, les Goya surtout. Ah, le génie de ses caprices, l'horreur apaisante de ses sorcières et de ses mendiants. » Mais vous n'êtes pas encore mûr pour le terrible espagnol. Son œuvre, voilà le filtre de guérison. Il y a aussi Rops, mais les côtés luxurieux de l'artiste réveilleraient en vous des fièvres qu'il faut laisser dormir. On sort peut-être et ses cauchemars modernes, quand vous serez en bonne voie. C'est une vraie cure que j'entreprends. Si nous étions à Madrid, je vous dirais d'aller tous les matins au Prado vous suggestionner devant les fous de Velasquez, les fous des Habsbourg. Il y a un choix divertissant. Mais au fait, allez donc au Louvre. L'Antonio Moro, le fameux nain du duc d'Albe, vous sera d'un enseignement puissant. D'abord, il vous familiarisera avec ma figure. On dit qu'il me ressemble. Et là-dessus, adieu, ou plutôt, à bientôt. Vous guérirez, sûrement. Juillet 98. Pourquoi Claudius Sétal m'a-t-il dit qu'il ressemblait à l'Antonio Moro du Louvre? Pour me troubler ou se moquer de moi? Ce Claudius Sétal est, paraît-il, un terrible mystificateur. À Londres, il a pratiqué le fun avec de tels raffinements d'à-propos et de malice qu'il a dû s'expatrier en France. Sa situation là-bas n'était plus tenable. Son procès avec Lord Kennerby au sujet du portrait de la duchesse n'a été qu'un heureux prétexte. La vérité est qu'il a fui de juste colère et l'explosion de vieilles rancunes. Rancune et colère attisées avec un art d'ironiste qui met chez lui le mystificateur bien au-dessus du peintre de portrait. Le scandale de sa condamnation, la perte de son procès n'ont été que des représailles. Les tribunaux ont frappé en lui bien plus le fumiste incorrigible et triomphant que l'artiste atrabilaire, grincheux et sans parole. Pendant 10 ans, fort de son talent et de son grand nom, peintre attitré de l'aristocratie et presque assuré d'une impunité garantie par le crédit de sa clientèle, il a bafoué et a ridiculisé cette aristocratie dans ce qui lui tient le plus douloureusement au cœur, dans sa morgue et son hypocrisie. On cite de lui des histoires effroyables, d'abord celle de la marquise de Clèvenor, princesse et dame d'honneur de la reine, invitée par lui à lyncher dans son atelier de Windsor, dans la banlieue londonienne, et là, brusquement, mise en face du terrifiant portrait de deux clowns excentriques, les deux frères Dario, il y a 3 ans, révolutionnèrent les music halls de New York et de Londres, Reginald Dario, le géant, et Edwards Dario, le nain. Lady Clevenor, l'avant-veille, avait vu les deux excentriques à l'aquarium et gardait encore toute neuve la vision de leurs grimaces et de leurs contorsions. Lady Clevenor croyait trouver dans l'atelier d'Étal des portraits de femmes et d'enfants. Elle tombe au crépuscule sur ce cauchemar peint, les faces torturées des deux phénomènes. Puis voilà que l'atelier se fait obscur. C'était fin décembre. Le jour baisse vite en hiver, et Lady Clevenor s'aperçoit qu'elle est seule dans l'atelier désert. Claudius Sétal a disparu, et pendant que, tremblante, elle cherche une porte, une issue, sous des portières qui ne s'écartent plus, l'hallucinant portrait s'anime. Le nain, d'abord, comme un crapaud, saute hors du cadre, puis le géant s'envole, maigre et long, avec des battements d'ailes de vautour. Et autour de la pauvre femme atterrée, un étrange sabbat commence. Avec d'atroces dislocations du torse et des bras, c'est le numéro qu'elle a vu à l'aquarium l'avant-veille, mais fantomatique, spectral, dans la solitude de cet atelier désert. La danse de deux larves s'y aggrave d'ombre et de silence. Les deux excentriques, loués et stylés d'avance par Claudius Sétal, exécutèrent leur exercice en conscience. Mais à la suite de cette private séance, Lady Clevenor garda le lit pendant 8 jours. Et si elle n'eût été en instance de divorce avec Lord Clevenor, ce mauvais plaisant d'Étal eût reçu des témoins. « Cette divine marquise, » aurait dit le peintre en manière d'excuse, « elle déclarait toujours qu'en fait de sensation, elle n'appréciait que les imprévus, les violentes et les profondes. J'ai cru bien faire en la servant à souhait. » Et puis, aurait-il ajouté avec un claquement de langue de fin connaisseur, cette pauvre milady, jamais je n'ai vu à un visage humain une si intense, une si superbe expression de terreur. Je la regardais en extase. C'était de la volupté. de la détresse, de l'horreur et du charme. J'en ferai de souvenir une merveilleuse Lady Macbeth, une Lady Macbeth somnambule. Et ce n'est là qu'un des moindres tours prêtés à ce diable d'homme. Dans l'équipée qu'il fit à Whitechapel avec Lady Ferris, une milliardaire américaine, une Yankee épousée, fantasque, mal élevée et hétéromane, et qui avait eu la curiosité malsaine de ce quartier de prostituées et de voleurs, les choses auraient été poussées plus loin encore. De malandrins, apostés par le peintre, auraient traité la grande dame en quête de sensations sinistres comme une des misérables filles qui rôdent là le soir, et l'attaque nocturne simulée se serait terminée en violence et en voie de fait dont l'Américaine ne se serait pas plainte. Dépouillée de ses bijoux, atteinte dans sa pudeur, cette assoiffée d'inconnu n'aurait rien regretté. Mieux, elle aurait inspiré à l'artiste une de ses plus belles études, exposée sous ce titre « Messalina ». On voit que ce Claudius Étale en avait de joyeuses. Enfin, pour clore la série de ces fantaisies avouables, c'était l'histoire du portrait de la baronne d'Hérode, petite juive convertie, dont le mariage annulé en cour de Rome, les robes esthétiques et les ameublements en laque vert asperge ont défrayé une année les chroniques. En crise aiguë de snobisme, et Alcie, comme l'appellent ses intimes, s'était mise en tête d'avoir un portrait d'Étale. Et le et la Gandara, ces peintres ordinaires, ne lui suffisaient plus. Pour l'obtenir, ce portrait, elle avait franchi le détroit, s'était installée à Londres, avait mis en branle toutes ses relations. Whistler et Herkomer, qui avaient déjà commis des portraits d'elle, avaient été sollicités, requis pour une présentation à Claudius, et ça avait été la série de dîners et de réceptions dans le petit hôtel de Charing Cross. Wilsie avait transporté toute son installation de Paris en vue d'éblouir tous ses bons Anglais. Meubles de laque verte incrustés de diamants, vitrines d'uniques saxes et d'introuvables sèvres blancs, et toute la collection des grenouilles, de Massier, de Cariès, de Lachenal, de Bigot et du Japon. Car fétichiste comme toutes celles de sa race, snobisme ou superstition, la bonne d'Hérode est la femme des grenouilles, comme le comte de Montesquieu est l'homme des chauves-souris, et tous deux croient révolutionner le monde. Ô pauvreté, ô mesquinerie, ô vanité. Bref, la baronne obtient les séances désirées du peintre, Étale consent. Sans trop se faire prier. Il se décide même à portraiturer la baronne à Charing Cross, dans son cadre, au milieu de ses meubles, en laque verte, de ses grenouilles et de ses bibelots familiers. La baronne exulte. Elle a apprivoisé le sauvage et l'indompté qu'est le grand Étale. Elle en fait part aux petites amies. Étale consent à la peindre chez elle, ce qu'il n'a jamais fait pour personne. À une condition pourtant, c'est qu'elle ne verra le portrait qu'achevé. Il emporte sa toile après chaque séance et la rapporte avec lui pour la suivante. Conditions dures qui sont acceptées cependant. Le peintre se met à l'œuvre, et quand le portrait terminé, le banc et l'arrière-banc des amis et connaissances sont convoqués dans l'atelier du peintre pour admirer le portrait d'Elsie. Horreur et stupeur. Assise au milieu de ces batraciens de faïence et de bronze, Elsie elle-même a une tête verte, des yeux d'eau saumâtre, énormes, cerclés d'or dans une face écrasée, une gorge pareille à un goitre, et ses bras nus, d'une chair filandreuse et flasque, croise sur ce goitre deux petites mains palmées. La baronne d'Hérode est une grenouille, une humaine et féerique grenouille, trônant au milieu de son peuple. La baronne refusa le portrait et assigna le peintre à la chambre des sollicitors. « Que voulez-vous, trouva Étal ? C'est son physique qui en est la cause. Elle tente la caricature et défie le portrait. » Et on cite de Claudius Étal des fantaisies moins avouables. C'est cet homme qui prétend me guérir. Je suis entre les mains de cet homme. Que veut-il de moi? J'avoue qu'une angoisse est en moi. Cet Anglais me fait peur.